À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les formations brésiliennes ont fait des rédactions spéciales avec ses portraits en sourire et photos dans l'Internet. Le Comité pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée, le Centre d'études des idées du Juche et le Comité à la mémoire du dirigeant Kim Jong-il ont exalté haut les exploits immortels du président accomplis devant l'époque et l'humanité avec la prévoyance idéologico-théorique et l'éminent leadership.